Une chanson d'amour où il n'y a pas au moins 20 fois je t'aime ne peut être considérée comme une chanson d'amour. Je t'aime, oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, oui, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, oui, je t'aime, etc. Une chanson d'amour où il n'y a pas au moins 13 fois reviens, je t'en supplie, ne peut être considérée comme une chanson d'amour. Reviens, oui, je t'en supplie. Oui, reviens, reviens, je t'en supplie. Oui, reviens, je t'en supplie. Oui, reviens, je t'en supplie, etc. Une chanson d'amour où il n'y a pas au moins 7 fois je ne peux vivre sans toi ne peut être considérée comme une chanson d'amour. Je ne peux vivre sans toi. Non, non, je ne peux vivre sans toi. Non, je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi, etc. Une chanson d'amour où il n'y a pas de rime avec le mot toujours ne peut être considérée comme une chanson d'amour. Mon amour, oui, nous deux c'est pour toujours. Oh mon amour, je t'aimerai toujours. Oh mon amour, oui, pour toujours. Oh oui, pour toujours, etc. Maintenant, vous savez tout pour faire une chanson d'amour. Mélangez bien tous ces mots et chantez à votre tour. Je t'aime, oui, je t'aime, je t'aime. Reviens, je t'en supplie. Oh, oui, mon amour, oui, pour toujours. Je ne peux vivre sans toi, oui. Je t'aime, je t'aime, oui, reviens. Je t'en supplie.